Lecture d'un texte paru sur le site de Cabriole, le 12 janvier 2023. En deuil et en colère. Bonjour. Le 1er décembre dernier, journée mondiale de lutte contre le sida, Stephen Thrasher, auteur de la sous-classe virale, publiait les mots suivants sur Twitter. Si les tendances actuelles se maintiennent, il y aura plus de 2 fois plus de personnes aux États-Unis qui mourront du Covid, 120 000, au cours de l'année prochaine, que de personnes qui sont mortes du sida au cours de son année la plus meurtrière, soit 55 000 en 1995. Pourquoi y a-t-il si peu de colère à ce sujet? Pourquoi si peu de sentiments d'urgence? Les morts et mortes du Covid sont-ils et elles acceptables et jetables? Il ne s'agit pas de faire jouer le sida contre le Covid. Beaucoup des mêmes facteurs expliquent pourquoi les gens meurent de l'un ou de l'autre, ou des deux. Mais au début des années 90, l'activisme politique était furieux face au décès du sida, alors qu'il emportait moins de la moitié des personnes que le Covid emporte actuellement. Pourquoi ce silence et cette complaisance aujourd'hui? Le constat est le même de ce côté-ci de l'Atlantique, et le silence épais et glaçant. Alors que dans le deuil et la colère, nous entrons dans l'année 2023, pour reprendre les mots des camarades de Pest Magazine, à défaut de vœux, nous avons des pensées. Nous adressons nos pensées à toutes et tous les proches des dizaines de milliers de personnes mortes du Covid-19 en France en cette année 2022 à cause de la négligence criminelle du gouvernement et du silence total des oppositions politiques et médiatiques. Nous adressons nos pensées aux centaines de milliers de personnes handicapées, malades, chroniques, immunodéprimées, qui voient leur vie mise en danger dans l'ensemble de l'espace public et sont de fait exclus des lieux de sociabilité et de lutte. Nous adressons nos pensées aux millions de personnes malades du Covid long, victimes de l'absence de solidarité collective et du mensonge généralisé, qui, en plus de devoir affronter errance médicale et précarité, sont constamment confrontés au mépris et à l'incrédulité. Nous adressons enfin nos pensées à toutes celles et ceux qui continuent de lutter sur le front pandémique, à sensibiliser sur les risques et à informer de l'avancée des connaissances sur les multiples impacts du Covid-19. À tous et toutes les camarades qui ne lâchent rien, qui refusent de rejoindre le nihilisme morbide, qui continuent d'élever la voix et de promouvoir la réduction des risques et l'autodéfense sanitaire, nous exprimons toute notre amitié. Avec ce dossier, nous avons voulu explorer les relations entre le deuil et la lutte, la question de savoir quelle vie et quelle mort comptent, de ce que nous allons pouvoir faire de nos peines, de nos peurs, de nos dégoûts et de nos colères. Ici aussi, l'histoire des luttes populaires, ouvrières, LGBTQI+, et plus particulièrement celle d'ACT UP, qui nous est particulièrement précieuse. N'imaginez pas qu'il faille taire sa tristesse pour être militant, même si le camp des luttes est saturé par les injonctions moralisatrices et managériales à la joie. Taire ses doutes, ses chagrins et ses fêlures ne fait qu'intérioriser la violence et la retourner contre nous-mêmes. Trop de camarades en souffrent, parfois fatalement. les luttes populaires nous apprennent qu'il peut y avoir un usage collectif de nos tristesses, qui décuple notre puissance d'agir. Un usage joyeux de la tristesse, qui la réinscrive dans un rapport de force et un sens partagé. Un usage communiste. Très bonne lecture et prenons soin de nos luttes. Cabriole, carnet de recherche pour l'autodéfense sanitaire face au Covid-19. Voilà, c'était les mots que nous offre Cabriole en ce début de janvier 2023. Et c'est l'introduction de leur livraison mensuelle de textes traduits d'un peu partout dans le monde, puisque la pandémie est mondiale, évidemment. Il y a toute une série de textes et j'ai choisi de lire le premier qu'ils nous proposent, « Pleurer et s'organiser » de Olivia Schwab. C'est un texte qui est essentiellement articulé autour de Greenwood, le cimetière de Greenwood, qui est le cimetière de la ville de New York et qui est situé dans l'ouest de l'arrondissement de Brooklyn. Et Olivia Schwab, elle est écrivaine, rédactrice et chercheuse indépendante. Et elle est basée à Brooklyn. Pour eux, pour elle, et pour des milliers d'autres personnes assassinées par la police, pour nous-mêmes et pour nos futurs qui disparaissent, pour les morts et les mortes perdues à cause du Covid-19, et pour les vivants et les vivantes plongés dans la précarité. Le soleil a commencé à se coucher, et nous avons pris la rue, en chantant. Nous nous sommes alignés devant l'Historic Chapel, le jour de Halloween. Distant d'1,50 m selon nos nouvelles habitudes, et masqué, mais certains et certaines d'entre nous de manière inhabituelle. En bénévole, chargé de maintenir une jauge de sécurité pour le Covid, nous a fait entrer dans la salle austère. Au fond, des rangées de bougies jetaient une lumière vacillante sur une peinture vivante, grandeur nature, d'une femme en pleurs, identifiée par un panneau comme une statue de la liberté couleur cannelle. Des tresses de soucis et des bouquets de roses s'enroulaient entre les lumières. Des morceaux de bonbons, des tupperwares de nourriture faite maison et des bouteilles de coca et de whisky servaient de support à des photographies sur lesquelles étaient écrites des prières en plusieurs langues. The Corona Altar, Hôtel Corona, est l'œuvre de l'artiste Sherazade Grazia et fait partie d'une série de projets d'installation présentés au cimetière Greenwood sous l'intitulé « D'éducation à la mort ». Avec la baisse du nombre d'enterrements ces dernières années, ces programmes ont joué un rôle central dans la réinvention du rôle du cimetière dans la ville, tiré parti du paysage historique pour en examiner la mort et le deuil avec une certaine distance, sous un prisme culturel. Mais au milieu d'une pandémie mondiale, la frontière entre l'art sur le deuil et le deuil réel s'est estompée. En juger par la longue file d'attente à l'extérieur de la chapelle et par l'affluence croissante aux autres programmes d'éducation à la mort de Greenwood, désormais numérique, les New-Yorkais et les New-Yorkaises ont faim d'un endroit où poser des questions à la fois pratiques et existentielles, qui ne semblent pas trouver leur place ailleurs. Prenez le temps, dans cet espace, de réfléchir à ceux et celles que nous avons perdus, disait le panneau de l'hôtel. C'est ce que nous avons fait. En avril, des photos de camions réfrigérés garés devant les hôpitaux de la ville et de dizaines de cercueils alignés pour une inhumation massive temporaire sur Heart Island, secoue New York. En mai, le crématorium de Greenwood travaille à plus du double de son rythme normal. Le retard cumulé oblige les opérateurs et les opératrices à faire des quarts de travail de 17 heures et à prendre des rendez-vous 5 semaines à l'avance. Les services s'étendent sur le parking. Mais malgré ces adaptations brutales, l'ampleur de nos pertes a été difficile à situer dans le tissu quotidien de la vie urbaine. Face à la nouvelle omniprésence de la mort, même Greenwood a vu des centaines de milliers de visiteurs et visiteuses supplémentaires venir simplement pour l'espace ouvert, plutôt que pour se recueillir sur une perte. En semaine, les écoles du quartier ont envoyé des élèves et des enseignants et enseignantes trouver un espace d'enseignement respectant les distanciations sociales parmi les tombes. L'espace urbain s'est transformé pour s'adapter au changement de paradigme de la pandémie de tant de façons. Les maisons ont été transformées en lieux de travail, les parcs publics ont été réaménagés pour préserver l'intimité, des routes ont été réaménagées en lieux de restauration. Ainsi, voir les cimetières devenir des parcs et des salles de classe n'est pas un choc. Mais alors, où la ville met-elle son chagrin? Où vont les morts? Traverser un deuil en 1938 ne ressemble pas du tout à l'exubérance cosmopolite de l'altar 2020 de Grazia. Mais l'objectif de Greenwood, à l'époque de sa fondation, mettre en scène la rencontre d'un public vivant avec les morts, était sensiblement le même. Ce nouveau paysage, pensaient ses fondateurs, pouvait structurer l'omniprésence de la mort en magnifiant cet état. À l'époque du romantisme victorien morbide, une population urbaine vertueuse avait besoin d'être formée à la noble entreprise de la mort. Nehemiah Cleveland, un des premiers promoteurs de Greenwood, invitait le public à se rendre dans les collines et les bosquets du cimetière. Viens ici, habitants fatigués de la ville, pauvres mortels, fatigués de l'homme, de la grève, des affaires, du plaisir et des soins. Viens ici. Profitez de ce calme, profitez de cette retraite, profitez de vous-même. George Templeton Strong, un autre soutien, voyez dans la conception du cimetière le potentiel d'un état de haute civilisation, délimité par une retenue architecturale et une absence d'imagerie païenne. Pour sa part, Cleveland dédaignait les fleurs artificielles et les jouets que certains et certaines endeuillés laissaient sur les tombes, et lançait un avertissement aux personnes trop émotives. Confiez vos propos passionnés aux poitrines amicales qui partagent votre chagrin, ou mieux encore, ne les soufflez que dans vos soupirs secrets. Si ces hommes avaient l'intention de concevoir une expérience de contemplation sobre et sophistiquée, des publics plus heureux affluaient au cimetière par défaut. Les cimetières ruraux faisaient partie des seuls espaces verts disponibles dans les villes en voie d'industrialisation rapide. Peu à peu, la présence de personnes en quête de loisirs parmi les pierres tombales est devenue une incongruité gênante. Le mouvement des parcs urbains a pris son essor et le rôle des cimetières en tant que scène publique de l'émotion face à la mort a diminué. Après l'horreur massive de la guerre de sécession, il fallait contenir la mort et non la contempler. Les pratiques de deuil qui en ont découlé sont les nôtres aujourd'hui. La mort et le décès, qui étaient autrefois des éléments fondamentaux et réguliers de la vie à la maison et dans le domaine public, ont été cloisonnés dans les hôpitaux et les salons funéraires professionnels et lucratifs. Les limites du deuil acceptable sont tout aussi strictes, mais elles se resserrent autour des unités familiales et des institutions privées. Au lieu de linceul et de photographies post-mortem, nous avons des cartes de condoléances et des plats cuisinés. Les thérapies de deuil et les quotas limités de congés de compassion délimitent l'espace et le temps socialement acceptables pour le deuil. En dehors de ces limites, nous semblons tous d'accord pour dire que la mort et la vie ne devraient pas se mélanger. Les initiatives de Greenwood en matière d'éducation à la mort s'inscrivent donc dans le cadre d'un petit mais énergique mouvement d'acceptation de la mort ou de positivité de la mort qui s'insurge contre la stigmatisation, l'anxiété et les coûts abusifs perpétués par le complexe industriel funéraire. Des interventions telles que les cafés de discussion sur la mort, les funérailles vivantes et les séances de planification préalables encouragent les participants et participantes à affronter avec sérénité le fait imminent de leur propre fin. Les rituels de deuil devraient être naturalistes et basés sur la communauté, disent les militants et militantes, et les endeuillés autonomisés devraient avoir un rôle actif dans les derniers droits de leurs proches. Au début de la pandémie de COVID-19, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont empêché le déroulement des rituels de deuil modernes, même les plus pauvres. Certaines agences publiques sont intervenues. L'administration des ressources humaines de la ville de New York a presque doublé le montant de ses subventions pour couvrir partiellement les frais d'enterrement et, pour les survivants et survivantes, une ligne d'assistance téléphonique et une thérapie de groupe à distance, facilitée par le Bureau de la santé mentale de l'État de New York, ont offert un soutien auparavant inaccessible en tant que service public gratuit. Mais dans ces efforts, des tentatives raisonnables d'aider les endeuillés de la ville à exprimer leur perte dans un langage habituel, quelque chose ne va pas. Parmi ces cercles de soutien, plusieurs ont été consacrés aux soignants et soignantes débordés et aux personnes confrontées à un chômage sans fin, car les retombées de la pandémie exposent les membres de ces groupes, ainsi que les soignants non rémunérés, à un risque accru de crise de santé mentale. La ville a commencé à remettre les dépouilles mortelles non réclamées à des membres de la communauté sans lien de parenté lors du premier raz-de-marée de décès lié à la pandémie. Il y a un sentiment général difficile à exprimer qu'un chagrin aussi énorme nécessite plus d'espace que ce que les cimetières de la nation peuvent offrir. Les moyens de faire face ne sont pas à la hauteur. Les condoléances ne suffisent pas. La poétesse Alison Cobb a passé la majeure partie des 10 dernières années à penser à Greenwood ou à travailler sur ce qui allait devenir sa biographie culturelle du cimetière. Mais pendant la première année du projet, elle l'a évité. « Le trou encore fumant de l'autre côté de l'eau retenait mon attention, » écrit-elle, « une odeur qui s'insinue dans les esprits des millions de têtes de la ville, même dans le sommeil. » Dans les jours qui ont suivi la destruction du World Trade Center le 11 septembre 2001, la ville a été envahie par des peintures murales, des dessins à la craie, des bougies, des photos, des affiches, des notes, des fleurs, des jouets, des signes religieux et des badges d'organismes de toutes sortes qui recouvraient les murs, les trottoirs, les devantures de magasins, les kiosques, les poteaux électriques et les barricades. Les affichages avaient de multiples fonctions. Présenter les morts, rechercher les disparus, exprimer la peur et l'incertitude et un sentiment d'innocence perdue. Des veillées et des rassemblements spontanés ont également eu lieu dans tout New York. Contrairement à l'effusion matérielle, ces réunions se sont distinguées par leur silence. L'espace public était rempli d'une absence de parole. Mais la nature humaine a horreur du vide. Les personnalités publiques et les profanes se sont précipités sur des interprétations. Les badauds ont rassemblé les papiers et d'autres objets envoyés par l'impact de l'avion sur les tours et ont même recueilli la poussière qui était aussi de la cendre, contenant des restes humains. Poussière qui s'est déposée sur le Lower Manhattan, en prévision d'une future archive. Au fil des jours, selon les témoins, l'incrédulité est passée et la nature des rassemblements dans la ville a changé. Il y avait un sentiment palpable de faire face à un traumatisme au lieu de se laisser écraser par lui, a écrit Edward S. Cassay, le professeur de philosophie qui a assisté à une de ses veillées à Union Square 6 jours après l'attentat. Incrédulité et engourdissement cédant à une autre manière de gérer le traumatisme, une manière qui refusait d'être enterrée sous ce dernier. Architectes, politiciens et journalistes ont presque immédiatement commencé à discuter de la meilleure façon de réagir à la destruction des tours, de combler ce trou fumant. Tandis que Cobb dépeint le paysage complexe de Greenwood, des visions concurrentes du site, qu'il s'agisse de laisser les vides se reconstituer, de les cultiver comme un jardin contemplatif ou de les remplir de tours pour récupérer les loyers impayés, ces visions s'affrontent en arrière-plan. Les guerres commencent et se poursuivent en voyant les corps au cimetière. Un bosquet commémoratif est planté et les tours s'élèvent à nouveau. La force énergétique du chagrin s'avère facilement manipulée par les puissances dominantes. Dans le cas du 11 septembre, plutôt que de réparer le traumatisme, a cédé à la place à un esprit de vengeance qui a alimenté un programme impérialiste. Le cœur plus pluriel, situé dans la rue, de l'expérience directe, a été remplacé par des tours, liberté, qui lui ont succédé, ainsi que par des monuments commémoratifs locaux et nationaux, qui ont entériné un récit de victimisation perpétuelle et ont justifié des centaines de milliers de morts supplémentaires. Comme les photographies affichées dans toute la ville, il y a 20 ans, les visages des morts et mortes se sont retrouvés sur les murs et les palissades pendant les premiers jours du Covid. Les images semblent suspendre leur sujet entre la vie et la mort. Le chagrin brut raconte sa propre histoire, en plus de The Corona Altar de Grazia. Ces murs, Naming the Lost, ont été érigés à Sunset Park, dans le Lower East Side, le Bronx et le Queens, au cours du printemps et de l'été. En avril 2020, l'agence de presse locale, The City, s'est lancée dans un effort de documentation de tous les décès dus à la pandémie dans la ville de New York. En janvier 2021, le site web n'avait recensé que 1960 des 26 398 décès confirmés et probables. L'exhaustivité était probablement toujours hors de portée. Pourtant, The City continue de fonctionner dans l'espoir qu'une archive, même incomplète, puisse être utile dans un futur effort pour comprendre ce qui s'est passé ici. Alors que la pandémie entre dans sa deuxième année, nous nous trouvons dans la brèche entre le traumatisme et la parole. En réfléchissant à la raison pour laquelle le traitement immédiat des décès a pris relativement peu de place à Greenwood, une des éducatrices du cimetière a suggéré « Il est trop tôt pour que nous commémorions. » Elle voulait parler d'une méthode de reconnaissance par le biais de l'espace et de rituels qui permettrait de traiter le traumatisme de la pandémie pour l'intégrer dans un récit plus large, une façon d'accepter les choses plutôt que de se séparer. En effet, bien que la plupart des gens partagent le sentiment que le traumatisme du Covid-19 a une signification qui dépasse la somme des décès individuels, les efforts pour faire émerger cette signification dans un registre plus formel ont été contrariés et frustrants. Le fait de se tourner si rapidement vers un langage commémoratif vernaculaire a pour effet d'aplatir, de piétiner les morts individuelles sous la marche de l'histoire. Le 22 septembre 2020, un groupe appelé COVID Memorial Project a placé 20 000 drapeaux américains sur l'herbe près du Washington Monument, chacun représentant 10 décès dus au COVID-19. Un peu plus de 2 semaines plus tard, COVID Survivors for Change a placé 20 000 chaises vides près du même endroit. Nous vivons un traumatisme national collectif. Nous sommes 6 mois après le début de la pandémie et nous en sommes toujours sous le choc, a déclaré l'un des organisateurs à un journaliste de CNN. L'absence de reconnaissance a aggravé le chagrin des survivants et survivantes. Mais cette forme de reconnaissance s'est faite sans le moindre nom. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, a-t-il ajouté. Des projets en ligne, comme le Mémorial Covid, ne sont pas d'accord. Ils recueillent des noms et des histoires afin d'insister sur le fait que les morts ne sont pas oubliés, pas seulement un numéro. Un compte Twitter, intitulé Faces of Covid, diffuse des photographies et de brèves nécrologies dans un flux d'informations qui s'apparente à un discours public. Mais ce n'est pas un discours. Le volume devient du bruit. Au cours des premiers mois de la pandémie, des rapports de violences racistes à l'encontre des Asiatiques américains ont menacé de faire ressurgir le type d'ethno-nationalisme américain qui a suivi le 11 septembre. Si le risque de ce type de violence semble en grande partie écarté, un autre type se profile, celui de l'engourdissement, du mutisme sans fin, des pertes individuelles noyées dans le flot incessant du traumatisme collectif. Vivre avec est impossible. La commémoration est prématurée. Mais il existe une autre option. Ne pas enterrer les morts, mais les garder présents jusqu'à ce qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Il existe un autre moyen, un autre endroit pour manifester ces pertes, pour découvrir ce qu'elle signifie. Pas la morgue, pas la peinture murale du quartier, ni le monument aux morts, pas le cimetière, mais la rue. Le 5 avril 1911, 100 000 personnes, principalement des femmes, ont suivi un corbillard dans les rues de Manhattan. Couvert de fleurs, le carrosse était tiré par 6 chevaux blancs drapés de voiles noires. Les femmes, elles aussi, étaient vêtues de noir, sans manteau ni parapluie pour se protéger de la pluie glacée. Elles portaient de grandes bannières cousues sur lesquelles on pouvait lire simplement « Nous pleurons notre perte ». Des centaines de milliers de personnes, vêtues d'habits funéraires, se seraient alignées le long de la route pour assister à la sombre marche. Il y avait quelque chose de sinistre dans ce rassemblement, a rapporté le journal américain. C'était si silencieux. Mais alors qu'un contingent venu du Nord passe sous l'arche de Washington pour rejoindre un autre groupe de marcheurs, il aperçoit le bâtiment H incendié sur Washington Place. Face aux étages supérieurs calcinés de l'immeuble, la foule réunie a poussé ce que The American a décrit comme un cri long et déchirant, le mélange de milliers de voix, une sorte de tonnerre humain dans la tempête des éléments. C'était, selon le journaliste, l'expression la plus impressionnante du chagrin humain jamais entendu dans cette ville. Moins de 2 semaines auparavant, 146 ouvriers d'une usine de confection, des femmes et des enfants, avaient brûlé derrière des portes verrouillées et bloquées ou avaient sauté vers la mort pour échapper aux flammes sous le regard impuissant de leurs voisins et de leurs voisines et des pompiers. Pour les foules désemparées qui se sont rassemblées sur le Washington Square pendant que l'incendie faisait rage, il était clair que les flammes n'étaient pas une catastrophe naturelle. Les propriétaires de l'usine maintenaient l'atelier dangereusement encombré et avaient récemment commencé à verrouiller les portes pour étouffer l'effort de syndicalisation naissant des travailleurs. Dans les jours qui suivent l'incendie de la Triangle Shirtwaist Factory, les survivants et survivantes se rassemblent devant la morgue du quai de la 26e rue pour attendre la restitution des corps. Les mêmes policiers qui avaient matraqué les grévistes à Washington Square un an plus tôt ont fait usage de leur matraque lorsqu'ils ont jugé que les foules endeuillées étaient indisciplinées. Après une semaine, 7 corps n'ont toujours pas été identifiés et réclamés. Craignant la montée en puissance du mouvement politique, la ville a refusé de délivrer des permis ou de restituer les corps pour des funérailles communautaires et a préféré les transporter à Brooklyn pour les enterrer dans un terrain public. Le syndicat international des travailleurs et de l'habillement pour dames a appelé à une nouvelle grève générale et à un cortège funéraire contestataire. Le corbillard que les manifestants et manifestantes ont accompagné ce jour glacial d'avril était vide. Lors des funérailles politiques organisées par ACT UP, quelques 80 ans plus tard, les corps des morts et mortes elles-mêmes étaient intensément présent. Suivant les traces des travailleurs et travailleuses du vêtement, les membres d'ACT UP ont porté leurs amis et leurs camarades dans les rues, dans les cercueils ouverts. Les banderoles et les pancartes établissent un pont entre les funérailles et l'action directe. Les orateurs et les oratrices mêlent éloge funèbre et manifeste. Enterrez-moi avec fureur, demande Mark Lowe Fisher, membre d'ACT UP, dans une déclaration qu'il a écrite pour être lue à haute voix lors de ses propres funérailles. Juste avant le jour des élections, en novembre 1992, le corps de Fisher a été transporté dans un cercueil ouvert de la Judson Memorial Church, au siège du Comité national républicain sur la 43e rue. En juillet de la même année, des membres d'ACT UP ont porté une banderole gravée comme une pierre tombale à travers l'East Village. David Wojnarowicz, 1954-1992, est mort du sida à cause de la négligence du gouvernement. Avant de mourir, Wojnarowicz, un artiste, a mis en garde ses amis contre le risque de se laisser endormir par les rituels du deuil et de devenir des porteurs de cercueils professionnels en attendant chaque mort. Plutôt que d'assimiler leur perte au sein de la vie quotidienne, écrivait-il, j'imagine ce que ce serait si, chaque fois qu'un amant, une amante, un ami, une amie, ou un étranger ou une étrangère mourait de cette maladie, ses amis, ses amants, ses voisins ou ses voisines prenaient le cadavre et le conduisaient dans une voiture à 100 à l'heure jusqu'à Washington D.C., franchissaient à toute vitesse les portes de la Maison Blanche, s'arrêtaient brutalement devant l'entrée et déposaient sa forme sans vie sur le perron. Le public devait être aussi choqué que les militants et militantes endeuillés avaient le cœur brisé. Rien de moins n'était adéquat. Amenez les morts et les mortes à votre porte. Nous ne le supporterons plus, a scandé la foule lors de l'action des cendres de 1992, avant de jeter les restes incinérés des victimes du sida sur la pelouse de la Maison-Blanche. Dans cette tradition de funérailles politiques, le deuil refuse d'être confiné au cimetière, aux poitrines amies, ou aux soupirs secrets. Son éclatement, au grand jour, actif des géographies où public et privé, collectif et personnel, se rejoignent déjà. La grève funéraire des travailleurs et travailleuses de l'habillement s'est répandue par le biais de tracts distribués à la main et de journaux socialistes de quartier comme le Call et le Jewish Daily Forward. Et des syndicats locaux, puissants, ont aidé les travailleurs voisins à comprendre qu'ils se soulevaient et mouraient en tant que collectivité. L'événement a libéré le sentiment d'appartenance des travailleurs immigrés, remplissant le Lower Manhattan d'une charge politiquement puissante et intime que les pouvoirs en place ont cherché à circoncire, séquestrer et supprimer. Les membres d'ACT UP étaient souvent amis, amants, amantes, voisins et voisines, avant d'être des compagnons et des compagnes d'armes. Dans les années 80 et 90, les rues du Greenwich Village, qui est peut-être le lieu le plus célèbre au monde pour une vie queer vibrante, ont été transformées par une douleur queer furieuse. Pour les porteurs de cercueils politiques d'ACT UP, pleurer bruyamment et même fièrement était une grève contre la négligence. Cacher les corps, garder les pertes privées, ce serait reprocher aux morts et aux mortes les vies qu'il et elle avaient vécues. Une politique de présence similaire sous-tend les plus de 50 000 panneaux de AIDS Memorial Quilt. Lorsque le patchwork est exposé, le recueillement, plutôt que la rage et le chagrin, envahit le domaine public. Les morts et mortes se manifestent dans les relations individuelles que les panneaux, en tant qu'objets artisanaux, représentent. Assemblés à partir de vêtements, d'objets personnels et même de restes humains, ces panneaux s'adressent aux morts et mortes comme à un public invisible qui reçoit en silence leurs déclarations d'amour et leurs souvenirs méticuleusement reconstitués. Au fil des ans, les divers groupes de la communauté des survivants et survivantes du sida se sont affrontés sur les récits que le patchwork devait contenir et évoquer. S'il était assez queer, trop mou, trop axé sur l'amour et pas assez sur le sexe, trop axé sur la perte et pas assez sur la vie, trop radical ou pas assez radical. Pourtant, c'est la pluralité des vies représentées sur le patchwork, les morts incarnées dans leur jeunesse, leur santé et leur joie de vivre, qui rend l'énormité de l'hécatombe scandaleuse plutôt que tragique. Les visiteurs et visiteuses du patchwork et les spectateurs et spectatrices d'une manifestation funéraire peuvent avoir un sentiment d'assister à l'expression d'un chagrin pur et irréprochable. Mais plutôt que le chagrin en tant que tel, dans le patchwork, le pouvoir de la présence est inhérent à ce que Marita Sturken, une éminente spécialiste du domaine spécialisé des études de la mémoire, appelle un refus du deuil. Dans son effort de défi pour immortaliser l'amour, le patchwork, dit Sturken, affronte de nombreux ennemis, parmi lesquels, ironiquement, le virus est représenté comme le plus petit et le gouvernement américain comme le plus coupable. Dans un cortège californien, les souvenirs des parents ayant travaillé sur le patchwork commémoratif du sida ont incité les élèves à tenter de réaliser un monument commémoratif pour le Covid-19 en utilisant les mêmes gestes. Les panneaux de ce patchwork sont beaucoup plus petits, 8 pouces carrés, une référence symbolique à l'éternité, plutôt que 6 pieds de long, la taille d'un cercueil. Ils portent le nom non seulement de personnes décédées, mais aussi de groupes et d'institutions comme les maisons de retraite et le personnel hospitalier. De nombreux panneaux sont consacrés aux disparus en tant que groupe uniforme. Certains représentent des aspirations abstraites comme l'espoir et la guérison. Un an après le début de cette pandémie, notre ennemi est difficile à cerner. Le virus lui-même est trop fugitif pour porter le poids moral de toutes ces morts. Les groupes de survivants, qui réclament de meilleures pratiques en matière de santé publique et un dédommagement pour les fautes évidentes commises par les autorités fédérales, se sont rapprochés de la réalité, mais ils ont toujours le sentiment d'être insatisfaits, de laisser quelque chose de côté. Le fait de rendre le deuil public devrait forcer la confrontation et la responsabilité de ceux qui ont le pouvoir de changer le cours des choses. Dans ces mémoriaux, les morts semblent toujours, d'une certaine manière, sans friction. Le deuil devient plus difficile à refuser lorsque les récits dominants présentent les victimes typiques comme étant déjà malades ou en âge de mourir. C'est une tragédie, dit-on. Non pas qu'elle devrait être morte, mais pas non plus qu'elle ne devrait pas l'être. Mais les contours d'un adversaire deviennent visibles lorsque le virus révèle le monde dans lequel il circule. Dans tout le pays, les taux d'infection et de mortalité des personnes de couleur dépassent de loin ceux de leurs homologues blancs, reflétant les géographies historiques du racisme environnemental et de l'exploitation des travailleurs et travailleuses. Les éruptions de chômage et l'aggravation de la faim suivent les mêmes lignes. Les maisons médicalisées, qui manquent de ressources, ne sont pas réglementées et sont cachées aux yeux du public, sont dévastées, vidées. Peut-être que le virus était, dans un certain sens, un événement anormal, comme un terrible incendie. Mais qui a mis le feu aux poudres? Qui a verrouillé les portes? Qui ou quoi a empêché tant de personnes de s'échapper? Pour les New-Yorkais atteints du virus au printemps, l'hôpital dans lequel ils étaient admis pouvait déterminer s'ils vivraient ou s'ils mourraient. Les hôpitaux publics en sous-effectif ont été débordés, après que leur syndicat d'infirmiers et infirmières se soit battu pendant des années contre les systèmes d'hospitalisation en raison d'un manque de personnel. Ici, il y a des défaillances qui s'additionnent pour former un ennemi. Pendant le pic printanier de la pandémie, les hôpitaux publics dits « de sécurité » étaient parfois incapables de pratiquer la technique dite du décubitus ventral, qui consiste à tourner sur le ventre un patient ou une patiente qui respire difficilement afin de soulager la pression sur ses poumons. Pour gérer l'enchevêtrement de perfusion et de fils de machines vitales, il fallait du personnel que les hôpitaux débordés ne pouvaient pas fournir. Les hôpitaux privés disposent souvent de lits high-tech capables de se retourner automatiquement. Une tragédie est tragique parce qu'elle n'aurait pas pu être évitée. Un scandale est scandaleux quand il y a une raison pour laquelle elle ne l'a pas été. À la fin de Greenwood, aux yeux du poète, le paysage du cimetière semble tout contenir. Le livre se promène du Mayflower au delta du Mekong sans quitter le central Brooklyn. Mais le cimetière ne peut contenir le chagrin de Cobb. C'est un espace de paix, de contemplation, et le 11 septembre a été une expérience qui a annihilé la paix, défié la contemplation. L'horreur de la sortie du métro dans la cendre et les fumées qui couvraient la ville lorsque les avions ont frappé. L'odeur, le son. Je n'ai pas de rituel pour ça, pas de lieu pour exister. Je deviens étrange. Un cri, rien d'autre. La force qui, à travers l'obscurité, déplace le souffle. À la fin du mois de mai, j'ai déferlé avec des milliers de mes voisins et voisines le long de Flatbush Avenue en direction du pont de Brooklyn. George Floyd et Breonna Taylor étaient morts et mortes. Mais nous ne faisions pas que les pleurer. Nous étions en deuil. Pour eux, pour elles, pour des milliers d'autres personnes assassinées par la police, pour nous-mêmes et pour nos futurs qui disparaissent, pour les morts et mortes perdus à cause du Covid-19 et pour les vivants et vivantes plongés dans la précarité. Le soleil a commencé à se coucher et nous avons pris la rue en chantant. Dans le crépuscule, les voitures arrêtées klaxonnaient et les passagers et passagères des bus bloqués levaient le poing, silencieux et silencieuses derrière les vitres épaisses et leurs masques. Pour l'artiste et anthropologue Abou Farman, qui travaille régulièrement sur le continuum entre le deuil privé et le deuil public, la politique détermine le deuil. Les morts qui comptent sont les vies qui comptent. Le pouvoir du mouvement pour les vies noires réside donc dans sa capacité à réécrire le récit d'une simple mortalité, des dommages collatéraux acceptables au service de l'ordre, en un récit de meurtre de masse, une catastrophe non naturelle à évolution lente. Les récentes protestations représentent un refus de vivre avec. Au contraire, les personnes endeuillées chargent le présent du regard inflexible des morts, de leur présence accablante. Grâce à une confrontation mise en scène dans le domaine public, Farman suggère que le deuil peut transformer la destruction causée par le Covid-19 d'un fait biologique froid en un mal social actif. Si la présence continue des morts et mortes crée la pression qui produit la justice, l'injustice peut se maintenir en les faisant disparaître. Pour un observateur local, les exactions qui ont déclenché l'incendie de la Triangle Shirtwaist Factory et les manifestations qui ont suivi semblent avoir été résolues. Un rituel annuel marque l'événement avec une cloche qui sonne et une offrande de fleurs. Mais en 2012, un peu plus d'un siècle plus tard, un complexe d'usines de confection à Dhaka, au Bangladesh, dont les clients et clientes comprenaient Walmart, IKEA et les Marines américains, a été la proie des flammes. Plus de 117 travailleurs et travailleuses, pour la plupart des femmes, ont péri derrière les portes de sortie verrouillées. Moins de 5 mois plus tard, une autre usine de Dhaka s'est effondrée, faisant 1132 morts et mortes et des milliers de blessés. De telles tragédies se répètent dans les usines du Sud. Si l'industrie n'est pas devenue plus respectueuse de la vie, nous sommes devenus experts et expertes pour cacher ces morts à nos yeux. Aux yeux de la communauté queer, aisée de New York, l'épidémie de sida pourrait sembler partiellement appartenir au passé. En 2019, des panneaux du patchwork commémoratif du sida étaient suspendus dans le centre commercial de Brookfield Place, réduit à une toile de fond colorée. Pendant ce temps, des hommes noirs étaient plus de 6 fois plus susceptibles d'être infectés par le VIH que leurs homologues blancs, et les femmes noires plus de 20 fois plus susceptibles de l'être. Une disparité alimentée, selon les recherches, par l'incarcération de masse et ses géographies d'éloignement, d'enfermement et de privation. Le pouvoir préfère que les morts et mortes disparaissent. Une précipitation dans le deuil risque de les faire disparaître au profit des puissants. Les vies que le Covid-19 dévore le plus avidement sont celles qui sont déjà les plus proches de la mort. Ce n'est pas un hasard si elles sont aussi les plus éloignées dans l'espace, dans les maisons médicalisées, dans les usines, dans les prisons, dans les quartiers ségrégués et dans les enclaves de travailleurs et travailleuses immigrés précaires. Si le deuil nous amène à accepter la perte de leur vie, nous ne devrions pas le faire. Dans la ville, plutôt que de vivre avec nos pertes ou de les contenir dans des cimetières et des mémoriaux, nous pourrions refuser de faire notre deuil. Nous pourrions charger le domaine public de la présence des morts et mortes en les gardant ici jusqu'à ce qu'ils et elles reçoivent la réparation que leur mort exige. Voilà, c'est la fin de la lecture de ce long et puissant texte paru le 25 février 2021. C'est un texte d'Olivia Schwab et il résonne encore plus fortement bientôt 1 an plus tard, à la veille d'une peut-être immense ou pas grève contre la réforme des retraites en France. Une réforme qui est énormément décryptée par le biais de chiffres, qui évoque de temps à autre la mort, mais qui oublie systématiquement la pandémie et l'aspect mondial des choses. J'espère qu'on pourra reprendre la rue, mais si on ne commence pas par le faire en prenant soin les uns et les unes des autres, j'attends peu de choses de cette nouvelle grève, hélas. Mais j'espère encore un peu. Voilà. À bientôt.